Judex, d'Arthur Bernhead, épisode 2e, l'expiation, chapitre 7e, les deux pigeons. Dis, papa Julien, quand est-ce dimanche? Dans 4 jours, mon enfant. Et avant, je ne verrai pas maman? Eh non, mon petit Jeannot. Pourquoi ne vient-elle pas plus tôt? Parce qu'elle travaille, la pauvre chère dame. Oui, mais vous, pourquoi ne m'emmenez-vous pas la voir? Et le brave père Bontemps, qui était en train de remplir de choux une voiture de maraîcher, expliquait, avec un accent de bonhomie affectueuse, « Nous aussi, mon mignon, nous avons beaucoup d'ouvrage. Mais ne vous tourmentez pas, 4 jours, c'est vite passé. »« 4 jours, 4 jours, » répétait le bambin en comptant sur ses doigts. Et il ajouta, tandis que de grosses larmes voilaient ses beaux yeux si doux, « Pauvre petite maman chérie. » Tout le restant de l'après-midi, malgré les efforts répétés de Bontemps et de sa fille pour l'égayer, Jeannot demeura triste. Ce ne fut qu'au moment d'aller se coucher que sa physionomie reprit son expression de joie enfantine. Et lorsqu'après l'avoir bordé maternellement, puis tendrement embrassé, Marianne se retira chez elle, le regard de Jeannot se remplit d'une expression de satisfaction malicieuse et presque provocante. Puis le petit, fermant les yeux, parut s'endormir presque aussitôt, au lumignon d'une veilleuse qui répandait autour d'elle une discrète et rassurante clarté. Or, M. Jeannot était parfaitement éveillé. L'oreille aux aguets, il entendit chaque bruit de la maison s'éteindre peu à peu. Et lorsqu'autour de lui tout devint silencieux, il se dressa sur son séant, demeura un instant immobile. Puis se glissant hors de son lit, marchant sur la pointe des pieds, il s'en fut coller son oreille à la porte qui faisait communiquer sa chambre avec celle de Marianne. Rassuré, sans doute, il s'habilla entièrement, évitant avec soin de déranger inutilement les objets et de heurter imprudemment les meubles. Puis, marchant à pas de loup, il descendit au rez-de-chaussée, pénétra dans la cuisine, dont il ouvrit la fenêtre avec les précautions les plus minutieuses, sauta dans la cour, se dirigea tout droit vers la voiture du maraîcher, qu'il escalada non sans peine, disparut aussitôt au milieu des énormes choux qui allaient lui procurer la plus sûre des cachettes, s'y installa, s'y cala, avec le calme et le sang-froid de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait et où il va. Et lorsque, vers 1 heure du matin, le père Mathieu, un cultivateur du pays qui conduisait la charrette aux halles, partit, comme chaque nuit pour la capitale, il ne se douta pas un seul instant qu'il emmenait avec lui, enfoui sous un tas de légumes, un garçonnet de 5 ans, paisiblement endormi et rêvant à sa maman. Le maraîcher arriva vers l'aube aux portes de la ville. Après avoir franchi les fortifications, il s'arrêta à proximité d'un marchand de vin où il pénétra aussitôt pour y boire un coup en cassant la croûte. À peine eut-il disparu qu'un de ces types de gamins de Paris, nichant on ne sait où et vivant on ne sait de quoi, haut comme une botte, vêtu d'un vieux paletot déchiré, une musette de toile en bandoulière et coiffé d'un énorme melon gris qui lui entrait jusqu'aux oreilles, s'en maraudait autour de la charrette. Constatant bientôt que la rue était déserte, brusquement, il s'empara du plus beau chou qui s'offrait à lui, et il se préparait à s'enfuir avec son butin lorsqu'un cri lui échappa. Un bel enfant blond venait de lui apparaître. « Mince alors » s'écria-t-il. « On m'avait bien dit que les gosses venaient dans les choux, mais j'aurais jamais cru ça. » Et tout de suite, d'un air important, il demanda à Jeannot, « Qu'est-ce que tu fais là, le momignard ?»« Je viens voir ma maman, » répliqua aussitôt le petit Jean. « Dans cette carriole ?» reprenait le gosse à la musette. « Je me suis sauvé cette nuit de la campagne. »« Tu n'as donc pas le moyen de prendre le train ?»« Non. » »« Et puis mes parents nourriciers, ils ne m'auraient pas laissé m'en aller tout seul à Paris. »« Alors tu t'es trotté ?»« Je m'ennuyais trop sans maman. »« Comment c'est-il que tu t'appelles ?»« Jean, et toi ?»« Le môme Réglisse. »« Le môme comment ?»« Réglisse, quoi. C'est ceux du quartier qui m'ont donné ce nom-là. Rapport que je suis noir comme une taupe. »« Et puis c'est pas tout ça, mon vieux. » « S'agit de ne pas rester là, et de te débiner en douce, car si un flic nous voyait là, il serait capable de nous demander notre livret militaire ou notre quittance de loyer. Allez, oust !» Après avoir aidé Jeannot à descendre de la charrette, le môme Réglisse le prit par la main et l'entraîna rapidement jusqu'au fond d'un terrain vague. Et tout de suite, il lui demanda « Où sait-il qu'elle demeure, ta mère ?»« Je me rappelle pas. »« Mais tu sais lire ?»« Un petit peu. Pas beaucoup. Et toi ?»« Je connais mes lettres. » Et Jeannot sortit de sous son gilet le message de sa mère qu'il avait gardé précieusement sur lui. Assis côte à côte, penchés vers le papier dont il tenait un bout chacun, tous deux se mirent à épeler chaque mot, s'entraidant de leur mutuelle lumière. « Mon enfant chéri, j'étais bien contente d'apprendre que tu es bien sage. Aussi, pour te récompenser, je viendrai passer mon prochain dimanche avec toi et tes bons parents nourriciers auxquels tu feras toutes mes amitiés. Voici le nom sous lequel je suis connue et mon adresse. Madame Jeanne Bertin, chez Madame Chapuis, 10 passage Saint-Ferdinand, Neuilly-sur-Seine. « Neuilly, Neuilly !» répétait le môme Réglisse après un travail de déchiffrage qui n'avait pas duré moins d'une demi-heure. « C'est pas la porte en face, mon colon. Ici, on est la Villette. S'agit donc de traverser presque tout Paris. As-tu du pognon ?»« Du pognon. De l'argent, quoi. » Jeannot fouilla dans sa poche et en tira triomphalement une pièce de 2 sous. « C'est pas bézef, » constatait le môme Réglisse. « Avec ça, pas mèche de se payer le tram, ni même le métro, et encore moins un taxi. Te la ferai, mon pauvre lapin. » Jeannot, tout désemparé, se mit à pleurer. « Je suis pas comme ça, mon gosse. » fit son compagnon. « C'est moi qui vais te conduire auprès de ta maman. »« Bien vrai ?» s'écria le bambin. « T'as une tête qui me revient !» affirmait le gavroche. « Tu ne te fais pas de magne, et t'as l'air d'un bon fieu. Tu vas voir, on va se débrouiller. Le système D, ça me connaît. On mettra le temps qu'il faudra. Mais t'en fais pas, on y arrivera à Neuilly, et de bonne heure encore, et en carriole, comme des bourgeois. » Regardant son nouvel ami qui, grâce à son aplomb et à son bagou, lui inspirait la plus entière confiance, Jeannot demanda « Mais tes parents à toi, qu'est-ce qu'ils vont dire ?»« Mes parents ?»« D'abord, j'en ai pas. J'en ai jamais eu. Je suis employé chez des zoniers, qui demeurent près des fortifs et qui m'ont ramassé quand j'étais tout petit, même que je m'en rappelle plus. » Et baissant la voix, il ajouta « C'est des feignants qui n'en fichent pas un coup. Moi, dès le matin, faut que je parte au marché. » Et quand je ne leur apporte pas plein mes bras de légumes que j'ai barbotés dans les voitures ou aux étalages, qu'est-ce que je prends pour mon rhume? Et puis je dégringole en ville. Je ramasse des bouts de mégots, terrasse des cafés. Aussi, depuis les ans que ça dure, je peux tout de même bien de temps en temps prendre un jour de sortie. Allons, viens, mon gosse. N'aie pas peur. Le môme Réglisse est un peu là. Et passant son bras sous celui de son protégé, il ajouta, avec un accent de touchante envie, t'en as de la veine, mon gosse, d'avoir une maman. Quel ne fut pas l'étonnement de Madame Chapuis en voyant un gamin presque en guenille, auquel donnait la main un petit bonhomme vêtu en paysan, sonner à sa porte vers 6 heures du soir et lui demander sur un ton plein de politesse comique. « Excusez-moi, madame, c'est bien vous la pension de famille ?»« Oui, mon enfant, qu'est-ce que vous désirez ?»« Mme Bertin, s'il vous plaît, j'y amène son gosse. »« Comment ? C'est le petit Jean ?»« Oui, madame. » répliquait le fils de Jacqueline, qui, bien que fatigué par son escapade, gardait un petit air crâne qu'il avait pris au contact de son intrépide compagnon. Et tout de suite, le môme Réglisse ajouta « Il s'embêtait de ne pas voir sa mère, ce pauvre lapin, ça se comprend. Alors il a pris le train des maraîchers. La voiture à choux, quoi. Je l'ai rencontré ce matin à la barrière, même qu'il savait plus où aller. Alors on s'est débrouillé. On en a mis. C'est rien loin, chez vous. Pas commode à dégoter, votre boîte. Même que si on n'avait pas trouvé en route une auto-taxi qui chargeait pour Neuilly, on ne s'est arrivé que demain. Mais moi, Mariole, j'ai fait grimper mon copain sur un ressort. Je me suis installé sur l'autre et nous voilà. C'est très vilain de se sauver comme ça, reprenait Madame Chapuis. Votre maman, mon petit Jean, va vous gronder. Mais non, ripostait le bambin, puisque c'est pour l'embrasser. Où est-elle? Je veux la voir, vite, bien vite. Elle est sortie, mais elle va rentrer. Il y avait en effet 1 heure environ que Jacqueline, cédant aux perfides instances de la Monty, était partie en auto avec elle. S'emparant alors de Jeannot, Madame Chapuis lui dit « Venez, mon mignon, ne restez pas dans la rue. » Mais le petit hésitait. « Et lui ? » demanda-t-il en montrant son ami. Le môme Réglisse ripostait. « Pas la peine, mon gosse, va avec la dame. J'aime pas raser le monde. Je retourne dans mon patelin. J'ai mon billet de retour. Bonsoir, la sauce. » « Au revoir, Réglisse !» s'écria le petit-fils du banquier, qui, en un élan charmant et spontané, lui sauta au cou. « Au revoir, mon pote, et t'en fais pas pour moi !» fit le petit ramasseur de mégots, qui s'en fut, fier de son exploit, conscient de son importance, tandis que Madame Chapuis, encore toute stupéfaite de cette aventure, conduisait Jeannot jusqu'à la chambre de Jacqueline. Avec une franchise touchante, le bambin lui raconta tout. Ému jusqu'aux larmes, la digne personne, qui n'avait pas le courage de le gronder davantage, l'embrassa avec bonté. Puis, comme une sonnerie stridente se faisait entendre, elle fit « Mon chéri, je suis obligée de descendre. votre maman va revenir. Tenez-vous là bien tranquille. » Et Jeannot, resté tout seul, regarda autour de lui, songeant. « C'est pas si beau que chez grand-papa Favreau, mais c'est beau tout de même, puisque c'est la chambre de maman. » Puis il se dirigea vers la fenêtre entr'ouverte, afin de guetter le retour de celle qui l'attendait avec une si adorable impatience. Soudain, un cri de joie lui échappe. « Où les beaux petits pigeons ?» L'enfant vit en effet d'apercevoir dans leur cage les deux oiseaux devenus les compagnons de sa mère. Il s'avance vers la cage et contemple les pigeons, qui, nullement effarouchés, le regardent en roucoulant avec douceur, comme s'ils devinaient en lui un ami. « Oh oui, ils sont beaux » admire-t-il. « Je voudrais les caresser. » Mais tout à coup, il cesse de sourire. Il devient presque grave, tandis que ses yeux reflètent une expression d'exquise bonté. « Maman, murmure-t-il, m'a dit bien des fois que les oiseaux n'étaient pas faits pour vivre en prison. » Et tout doucement, il ouvre la porte de la cage en disant « Partez, mes petits, partez. Allez-vous-en vite, bien vite, retrouvez vos parents. » Les deux pigeons se sont élancés au dehors, en un joyeux bruit d'ailes. Après s'être orienté un instant, ils s'envolent bientôt vers les ruines du château rouge. Jeannot les suit des yeux, et sans se douter que son geste d'instinctive miséricorde va peut-être sauver sa mère, éperdue de ravissement, tout en frappant l'une contre l'autre ses menottes roses, il crie au fidèle messager de Judex « Bon voyage, mes petits pigeons blancs, bon voyage !»